Il veut la trappe sorcière, c'est révolutionnaire. Il colle son nez à terre et il parcourt l'univers. Sniffer la trappe sorcière, c'est révolutionnaire. Pire le système sniffer. Dis-le qu'il y a le sniffer. Il sniffe même ta petite sœur.